maison. Je vois la nuit, je vois le prisonnier qui pleure sa vie. Et je me dis souvent, quand je m'endors dans tes bras, où va la chance à toi, à moi? Je vois cet homme au cœur perdu qui boit pour oublier ce qu'il est devenu. Et je me dis souvent, quand je m'endors dans tes bras, je vois des villes dont les maisons un jour sous la guerre ont coulé sans.